Section 8 de Contes, anecdotes et récits canadiens par Aristide Filiatro. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. La jument à ma tante Caïen. Mon ami Alphonse C., employé aux douanes de Sa Majesté, né à Sainte-Thérèse, a toujours été et est encore, du moins je l'espère, un loustique pas méchant, mais capable de jouer des tours pendable chaque fois que l'occasion se présente. Il avait des chevaux, vite à l'époque, et les faisait valoir. Un jour, il se rendait à la Grande Côte quand il rencontra ma tante Caïen au détour du chemin conduisant à la rivière cachée. Une rigole serpentant tout le long d'une oasis perdue dans ce coin du pays. On l'appelait la rivière cachée parce qu'il n'y avait pas même de traces d'une rivière. Ma tante Marguerite, était la veuve d'un Acadien qui s'était réfugié dans notre province lors de la déportation, et par corruption on les appelait les Caïens. C'était un tas, ma tante, une masse de chair pesant dans les 380 livres. Au reste, intelligente et homme d'affaires tant qu'on voudra. Elle conduisait une jument jaune, maigre, longue comme un jour sans pain, et elle s'était juchée sur le siège d'une petite charrette avec une harpe à la main pour accélérer la marche de sa bête. En la rencontrant, mon ami Alphonse stoppa net. « Wow! Aïe la mère! Voulez-vous me vendre votre jument à la vache? Ah! Ouf! Oui! Combien? 9 francs la vache! » C'est bon, je l'achète. Alors, ma tante Lagritte, sans cérémonie, relève la queue de sa jument. Entrez, monsieur. Le commis va vous la mesurer. Touche, touche, dit Alphonse à son camarade. N'est-il pas vrai, père Patenaud, que dans votre temps vous étiez le meilleur tireur de Saint-Rémy? Ah oui, monsieur, c'est vrai. Vous êtes allé à Rome dans le but de tuer Garibaldi, n'est-ce pas? Qu'est-ce que vous avez fait pendant votre séjour à Rome parmi les oives? Ils me tuaient, j'en tuais, on se tuait. Et Garibaldi? Il s'est sauvé, il crapaud. J'ai pas pu le rejoindre. Fin de la section 8. Lui passandra près de Montréal, 2026.